vivre le rêve d'un démon que le cauchemar d'un ange, tout comme mourir debout ou vivre sans mes jambes. Tu coules, où sont les gens? Tout roule, te serre la main, toujours à faire les grands pour des histoires de gamins. Si tu tombes, je te ramasse, si tu me trompes, je te balade. J'aimerais tant avoir le temps de te dire ce qui me tracasse. Encore un soir où je dors pas, dans le noir total, où je pense aux larmes de ma mère, les miennes sont pour toi. Tant de haine alors que pour le drame il faut un pas de plus. Ça ne m'étonne pas si des fois tu frôles l'infractus. Si ma vie était un film, y'aurait pas de scénario, y'aurait peu de scénarios, les favelas de Rio. Pour pas attirer la rico car je suis un type anodin. Je souffre pas plus qu'un autre accusé d'être innocent. Certes l'argent est inodore mais il endort toutes nos offrandes. Si autant on emporte le vent, on sera suite d'un ouragan. Dans l'or ou dans le tram, sous Steve ou sous Sky, avec les soucis on se tape sans laisser de constat. Avec conscience sur les rythmes de guitare, à écouter quand tu es seul, j'ai toi t'as besoin. Sois dans l'or ou dans le tram, sous Steve ou sous Sky, avec les soucis on se tape sans laisser de constat. Colombe dans le 92, j'étais le cadet d'une, on m'a venu leur avis, je suis la frouge. J'ai les crocs depuis ma plus tendre enfance, à tête des gardas pour un peu d'euros. Je n'entrais à pas d'heureux, à la maison je ne faisais pas que des heureux. J'ai la rage de vivre, de tout niquer, de marchander le moindre billet, de rêver, de vouloir briller avec sa vie. Soir les amis, ceux les gars j'ai pu compter, malheureusement je regarde le temps passer. Ils ont tous dépassé mon envie, mon inspire. Elle vient des 10 coups, couteau que j'ai fils de pute m'ont infligé. Lâche-moi dans le dos, j'ai le regard rempli de haine, écriture remplie de armes, tout comme les yeux de ma mère. C'est mon entourage rempli de larmes. J'avais tout pour réussir, malheureusement trop fier. J'ai jamais su comment faire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me perds. J'avais l'attitude des impôts, non, lâchement abandonné. Maintenant je m'en compte, il est trop tard pour en profiter. Avec conscience sur les rythmes de guitare, à écouter quand tu es seul, chez toi t'as besoin. Soit dans l'or ou dans le tram, sous Steve ou sous Sky, avec les soucis on se tape sans laisser le constat. Avec conscience sur les rythmes de guitare.